طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Donc dans le def sadis, le sixième cours, on va prendre ism ishara, al muannath, al mufrada, al ba'id, al qariba, al ba'ida كذلك. C'est-à-dire on va prendre le ism ishara, طيب, féminin pour ce qui est proche et ce qui est loin. Comme on a appris à dire haza kaza, haza baytun, hada mazidun, aujourd'hui on va apprendre comment on emploie avec le féminin. Donc il y a un exemple, il dit haza bnu hamidin wa hadhihi bintu yasirin. Fa hadhihi, c'est ism ishara lil muannath al mufrada al qariba. C'est le féminin de haza. Tu dis hadhihi. Après il dit ibnu hamidin jalisun wa bintu yasirin waqifatun. Donc maintenant et par, également parmi les signes des mots féminins en arabe, c'est qu'à la fin tu rajoutes ce qu'on appelle un ta marbouta. Marbouta veut dire qu'il est fermé. Voyez, quand tu t'arrêtes tu dis waqifa. Aha. Quand tu continues waqifatun ou waqifatu kaza kaza kaza kaza. Voyez, mais c'est écrit pareil, c'est un ta à la base. Et ce ta là, c'est un signe que le mot est féminin à la base. Voyez, à la base. Tu peux trouver des mots qui auront ce ta à la fin et qui sont masculins. Par exemple, al-allama, al-shir, al-allama, al-fawzan, par exemple. Al-allama, c'est al-allamatu. Il a une forme mouannath, mais c'est un masculin. Voyez, c'est un masculin. Mais l'origine, c'est que c'est un mot féminin. Donc si tu vois un mot qui est masculin, la façon la plus fréquente de le rendre féminin, c'est de rajouter à la fin ce ta. Par exemple, muslim, comment tu dis féminin? Muslima, muslimatun. Toujours fatha avant. Non, également, toujours une fatha avant. Ce ta-là, marbouta, t'as toujours une fatha devant. Vous voyez, toujours. Donc là, il dit Ibn Hamid Jalisun. Il est assis et c'est un muzakkar. Wa bintu Yasirin waqifatun. Elle est debout. Vous voyez, si on était un rajul, on dit waqif. Et là, comme c'est un féminin, il dit waqifa. Après, pour une question, man hadihi. Il dit hadihi ukhtul muhandisi. C'est la sœur de l'ingénieur. Ukht, c'est le féminin de akh. Voyez. Souvent après il pose une question, il dit c'est comment akh hamzatul qatf avec l'alif et kha. Akhun. Quand il est tout seul. Et quand il est moudof, il y a d'autres qui vont venir inchallah. Sinon quand il est tout seul, akh. Fakat. Akh. Naam. Naam. Ukht, il est sur le kitab. Akhun ukhtun. Aywa. Alors la question c'est est ya aidha muhandisatun. Voyez, est-ce qu'elle est également ou aussi muhandisa aidan, ça veut dire aussi également. Voyez, aussi également. Aidan, ça veut dire aussi également. Voyez. Donc il dit est-ce qu'elle est aussi muhandisa, c'est-à-dire comme son frère. La yatabiba. Non, elle est. C'est un médecin. On dit médecin aussi en masculin pour une femme. Je crois qu'il y a fait là. Non, en français, tu dis un médecin pour une femme aussi. Cette femme est un médecin. Ouais, c'est un médecin. Tu dis pas une médecine, ça existe pas. Médecine, c'est un mot à part. Ah, j'ai oublié. Ouais, tu dis un médecin. Et elle est. En arabe aussi, il y a des mots comme ça qui. Ouais, qui sont mixtes. Ouais. T'as des mots qui sont mixtes. Non. Azab, mathalan. Azab. Sour, ouais. Là. Sour, il a un féminin. Ah bon? Non. C'est quoi? Summa. Summa. Asom? Voilà, ça veut dire summa. Non, je te parle de sour. Le sour? Ouais. C'est ça? Asom. Asom, c'est féminin. Ah, non, asom, c'est masculin. Mais sour, c'est quoi, sour? Ah, sour? Ouais. Compris, sour, sour, celui qui n'entend pas. Ah, sour, c'est, ouais, mais sour, c'est pas un mot que tu vas définir quelqu'un avec. Ah, ouais. Tu peux dire? Par exemple. Tu vas pas dire Hada Rajul Soukoun. Tu vois? Là tu vas dire Hada Tabiboun. Donc Tabib, si tu dis Hada Tabib, tu peux dire Hadihi Esh Tabiba. Moi je parlais en français en fait, mais ça on dit masculin pour l'homme comme pour la femme. Alors qu'à la base c'est un mot qui peut être adjectif, c'est-à-dire que tu définis une personne avec. Non. Donc tu dis La Hiya Tabibatun. Donc on a dit Aidan, ça veut dire aussi également. Après notre question dit سياره من هذه دونك سياره سي فيمينا مؤنث طيب سياره de qui cette voiture là هذه c'est dire celle-ci en fait tu vois هذه سياره المدير la voiture du directeur tu mets pas l'île مديري tu mets al مديري là là c'est مضاف اليه pas un li نعم ما هذه هذه مكوات مكوا نعم comme tu faut que j'ai la base pense tu vois un terme comme ça la base c'est qu'il non, est féminin parce qu'il est... ah tu veux dire dans notre langue ouais on dit un faire passer non voyez donc ma foi m'a dit sur la copie hadas c'est simple tu vois c'est pas dur il y a un nouveau voyez maintenant on va prendre un nouveau harf jar il dit liman hadihi li là c'est harf jar voyez harf jar li esh li milk milk en arabe ça veut dire la possession je m'en colle li milk on a pris li comme ça c'est où que ça sort esh là harf jar للملك للملكي طيب حرف جر حرف جر يعني فول لمنا صافي صافي rien ça des fois tu peux mal faire comme tu dis حرف جر لا يا فول لم tu dis حرف جر je vois pas pourquoi il est mudari ça veut dire quoi ça veut dire le lettre du jar la lettre du jar ايوه حرف جر ايوه اذا حرف جر لا بس با نو بي مي انا ما جيت toujours entendu que la fois là mais l'milki ça c'est toi qui as dit ça non c'est pas dans le livre non tu cherchais ouais non c'est pas dans le livre طيب donc tu dis par exemple هذا لي خالد ceci est à Khalid ou pour Khalid طيب l'milki c'est لي بابا ولا l'milki milk c'est la possession La milk, c'est la possession. Par exemple, Mulk, c'est quoi ? Le royaume. Et le Malik, c'est le roi, le possesseur. Et Milk, c'est la possession. Milk, c'est la possession. C'est un mosdor, ça va venir, Inch'Allah. Divers malakai aiment le coup. Ça pose de posséder. Donc tu dis, par exemple, l'imam, Abdel Kalem, ce stylo est à qui ? Ou il est pour qui ? Hadha li Abdel Kadir, mathalem. Ce stylo est soit et à Abdel Kader ou pas Abdel Kader. Suivant le contexte. Naam. طيب, après il dit, deuxième image, et darrajatu anasin hadihi, darraja, là vous voyez c'est un vélo. La hadihi darrajatu ammarin, hiya jadida. Donc, darraja c'est moins Donc on va dire Hiya Jadida. Jadida est la nouvelle. Neuf. Et le masculin c'est de Jadida, c'est Jadid. Donc le féminin avec le ta, Jadida. Hadihi Jadidatun. Elle est neuve. Ou celle-ci est neuve. Wa darajatu Anasin Qadimatun. Et le vélo de Anas est vieux. Ça veut dire, est-ce que ce vélo c'est celui de Anas ? Il dit non. Celui de. C'est celle de Ammar parce qu'elle est nouvelle. Alors que celle de Anas, elle est vieille. Vous voyez, elle est ancienne. هذه ساعة علي هي جميلة جدا. Donc, c'est la montre de Ali et elle est très belle. جدا, ça veut dire beaucoup. Vous voyez, beaucoup, très. Vous voyez, جدا. Et جدا, là, il est mansoub. Dans le degré, pas dans la quantité. Ouais, parce que tu dis kathiran, la quantité. La quantité, tu dis kathiran. Là, c'est très. Qualité. Non. Et la forme, elle se construit comme ça. Tu peux dire aussi beaucoup, ça dépend de la phrase. Quand tu dis, t'as allem tout dit d'un, c'est j'ai beaucoup souffert. Ou sérieusement. Tu peux dire, ça dépend. Tu vois, il y a des trucs que s'emploient. Des fois, les deux sont employables, des fois un seulement et des fois l'autre seulement. Quand c'est comme ça, tu mets le travail et après tu mets le. Jidan, il vient en dernier, non. Tout le temps. Ouais, en général, non. Tout le temps, je pourrais pas te dire, tu vois, mais. Par exemple, vous voulez pas. Justement, j'en ai pas de fois, je t'ai dit. Moi, de ce que je connais, il est tout le temps à la fin, mais ça se trouve, il y a une question que moi, je connais pas, tu vois. Donc, moi, de ce que je connais, j'ai toujours vu venir après. Ou même tout seul. Tu vois. Maintenant, ce qu'il est venu avant. En général, non, parce que c'est un hell, et le hell, il vient à la, après. Quand tu verras les règles du hell, tu vois, il vient après. Ça y est. Ensuite, il dit Hadihi mil'aqatun. Wa hadihi kidrun. Al mil'aqatu fi al-kidri. فهذه ملعقة ملعقة في معروف نعم وهذه كدر في المعمت أشودرون معمت أشودرون ils ont mis une image mais كدر c'est on va dire c'est معمت ouais ça ça va pas pour les récipients pour cuire en fait tu vois eux ils ont pas fait vraiment ça نعم ah bah oui parce que nous hein كدر كدر ah c'est bien là نعم donc les معمت chaudron casserole ou casserole c'est كدر نعم بالكسره كدر نعم attention si tu dis كرد c'est quoi le كرد كرد ايوه si tu mets le ra avant le del كرد c'est non كرد c'est comment on appelle ça c'est connu ouais c'est connu un animal ouais c'est un animal c'est ça hein c'est un singe. Kir, c'est un singe. Ouais, mais c'est pas un singe. C'est un genre de singe. Ah ouais? Que orange et gros, là, comme ça. Même jusqu'à pas mal homme, pour 10 ans d'après eux. L'orange? Allez, ouais. Il a des grands bras, là. Mais il se déplace, hein, il court, hein. Non, il court pas, là. Ah ouais? Il conduit pour être assis. Il est, ah oui, c'est le caramel, ça y est, ouais. Tu vois la couleur, il est roux. Tu vois, il est archi grand. Il est très gros. Il est mou. Je dis pas qu'il marche pas, mais qu'il court. Je connais pas qui court, tu vois. Quoi, il a fait la pression, peut-être. Ou peut-être s'il a peur, non. Ou qu'il veut faire du mal à quelqu'un. Mais en tout cas, j'ai pas connu que le ronton, il courait, tu vois. En tout cas, le ronton, c'est un singe. Comment on a dit déjà, le kid, c'est la marmite. Et le kird, c'est le singe. Donc, marmite, attends. Y a pas d'autre mot, on avait des... Chaudron, casserole, récipient de cuisson. Hein? Comme déjà dans le hadith là, quand il truquait, quand la souli. Salam. Kird, c'est ça. Ils étaient les sahaba, ils étaient pressés de faire bouillir les trucs là dans les marmites chaudes. Et après la souli est venue, il leur a dit de remplacer. Ça, c'était des gens de l'Kitab. Ouais, c'était dans Bukhari, je crois. Je crois que c'est dans Bukhari ou ça. De toute façon, ouais, c'est connu, le mot il est connu. نعم طيب مفهوم كدر وفيتي دي هذه بقرة الفلاح طيب سي لافاش دي بيزان فلاح سي بيزان دونك تو دي هذه بقرة الفلاح دونك لا هذه المبتدا بقرة اللي خبر مضاف الفلاح مضاف اليه بيزان نعم بيزان كولتيفاتور Ça rentre dans le même contexte. Okay. Ensuite, il montre Hada Enfun, le nez. Quand tu vois l'image, il vise le nez. Hada Femun, Fem, c'est la bouche. Ensuite, il dit Hadihi Uzunun, Wadi Ainun. C'est une oreille et c'est un œil. Lain Aigl, tout ce qui est en paire sur le corps humain. En général, c'est féminin. Tout ce qui est en quoi ? En deux. Sur le corps humain, en général, il est féminin. Les mains, les bras, les yeux, les oreilles, les pieds, les jambes, ainsi de suite. En général, je veux dire Adi Yad, Adi Rijl, Adi Farn, Adi Ouven, Adi Aïn. Vous voyez ? Et tu peux dire aussi Adi Aïn. Mais la base, c'est que c'est féminin. Tout ce qui est en deux sur le corps, vous voyez, est féminin à la base. Hein ? Non, un seul, non. Par exemple, il dit. Ouais, donc, voilà, comme là, c'est féminin, mais il n'y a pas la marque de féminin. Non, parce que c'est pas un mot descriptif. Là, c'est masculin, un seul, mais pas un mot. Anne, ça voit femme, hein, masculin. Femme, la bouche. Aïe, ouais. Masculin. Non, mais ouzne, ouzne. Ouzun. On l'a pas vu Ouzun. Si, obligé, je l'ai dit à l'instant là. Adi Ouzunun ou. C'est féminin, il y en a deux. Adi Ouzunun ou Adi Aïdun. Ah, t'as pas le temps marbouta, c'est ça que tu veux dire. Ils prennent pas. Là, Adi prend pas de temps. Mais pourquoi. Pourquoi. C'est quoi. Parce qu'ils font pas des choses. Non, comme je t'ai dit, en fait, tu mets le temps quand c'est une chose qui est. Qui peut être adjectif. Tu qualifies un homme. Un œil, ça invente une chose en elle-même. Tu vois ce que je veux dire. Tu ne veux pas dire que cette femme est un œil. Tu ne peux pas le féminiser. C'est un mot féminin d'origine. Tu vois, c'est un mot féminin d'origine. Comme Shams. Shams féminin. Tu dis Adi Shamsun. Tu vois, c'est pas un mot qui définit quelque chose. C'est un mot qui lui va être défini par quelque chose. Tu vois, Adi Shamsun, mes frères, c'est un mi-ila. Ou des fois, pour faire des métaphores, ils vont dire Foulen Shams. C'est le bait. Foulen Ka Shams, c'est le bait. Tu vois, comme un feuille dans la maison. Mais ça, c'est autre chose. Tu vois, ça, c'est autre chose. En tout cas, à la base, il ne sera pas considéré comme une sifa, un attribut, un adjectif pour une personne, pour autre chose. Naam. Ensuite, il dit « Wahazi yadun, wahazi rijlun ». Donc, c'est une main et c'est une jambe. Rijl, tu peux le dire pour la jambe et tu peux le dire pour le pied. Ça peut s'appliquer sur le pied tout seul. Pour le pied, pas d'homme. De quoi Rijl, ça peut être toute la jambe, ouais, ou ça peut être le pied. Le pied seulement. Ça y est. Il n'y a pas d'homme, c'est comment? C'est le qadam, qaf, del, mim. C'est juste ça. C'est juste le pied. Ça, c'est en dessous de la cheville. Hein? À partir de là. Le pied, je ne sais pas si c'est en dessous ou au-dessus, mais en tout cas, c'est le pied. Non. Qadam. Ça y est. Qaf, del, mim. Qadam. Et rijl, ça peut être le pied ou toute la jambe entière. Tu vois, ça fait des textes importants dans le hadith. Dans le fiqh. Par exemple, dans le dos, tu sais, quelqu'un va dire, ah ben moi j'ai levé ma jambe, tu vois. Non, c'est le pied qu'on veut dire par là. Tu vois. C'est important aussi quand c'est pour couper. Eh non. Il y avait l'Albanais qui a apporté un truc qu'à l'époque, ils disaient Yed, ça allait jusqu'à là. Non, Yed, c'est tout le bras. Ouais, et ils avaient demandé. Parce que le Yed, c'est quoi? Wa'atilou Adiyakoum, il est le marafiq. Donc pourquoi aller préciser jusqu'au coude? S'il disait la meuf, c'est seulement ça, il n'a pas besoin de dire jusqu'au coude. S'il précise jusqu'au coude, c'est que. La main peut être attribuée sur tout le bras. Pareil, ça peut être ça seulement, et tout le bras. Tu vois. C'est pour ça après tu as des taïmoussus qui te disent qu'en fait le sens voulu c'est ça ou ça ou ça ou ça. Non. Et comme tu dis, il y a un khilaf, on peut découper la main au voleur, est-ce que c'est avant le poignet, après le poignet, ou ainsi de suite. Voyez. Après il dit, ikra waktub. Là c'est les exercices. Tu as lu la première phrase? Non. هذا مسجد وهذه مدرسة. نعم. فهذا البروميس مبتدا مسجد خبر وعط هذه مبتدا مدرسة خبر. Et comme on a dit, le mubtada et le khabar, ils s'accordent en genre et en nombre. Donc si le mubtada est masculin, le khabar sera masculin. Et si il est féminin, et si le mubtada est féminin, le khabar sera pareil féminin. Là, hada masculin, masjid masculin. هذه فيمينا طيب مدرسة فيمينا طيب دوزيام مو تفضل من هذا من هذه نعم هذه عباس نعم دوك هذه أخت عباس هذه في مبتدا أخت خبر مضاف عباس مضاف إليه هذه مبتدا أخت خبر إيه اللي مضاف Le Moubtada c'est tout. Non, Moubtada. On rentre pas dans les détails, tout ça. Là, Moubtada c'est tout. Et Abbasin Moudofilei. Ourtou c'est que Khabar aussi. Non, Khabar et Moudof en fait. Non. Troisième phrase, pas de belle. Non. Donc, Haza Dikoun, Haza Moubtada, Dikoun Khabar. Wa At, Hazihi Moubtada deuxième. Dikoun le Moudof aussi. Là, c'est pas Moudof. Il est khabar, فقط. Et Dajaja, khabar. Rabian. Hada bnu al-mudiri, hada bintu al-mudiri. Naam. Hada. Hada al-mudada, ibnu khabar, mudaf, mudir, mudaf ilayhi. Wa atf. هذه دوزيام مبتدا بنت خبر مضاف والمدرس مضاف اليه خامس هذه ام يسير نعم هذه مبتدا باي ام خبر مضاف ياسر مضاف اليه سادس اين قدر اللحم قدر اللحم قدر اين قدر اللحم افيت نعم كفر دي فيون نعم افيت نعم فاين لا في نعم الثلاجه هذه الثلاجه هذا الثلاجه هو مثلج مثلج نعم اين سجل اين خبر مقدم وكدرو خبر مبتدا مؤخر لمده اين خبر مقدم كدرو لحمي خبر اذهب به اذهب به اذهب به هو يزج مع صوت ما تعرفه طيب ان شاء الله اخلاق الله يا ولد اين مثلج هيك شو تسلم مثلج لا نعم مثلج بجيم لا خشوا لم لا مثلج ليس مثلج شدة فلم مبتدا مؤخر مضاف واللحم مضاف اليه لا جي با كومبلي ما دي قدروا كدروا كدروا اللحم كدروا في مبتدا مؤخر الى مضاف اللحم مضاف اليه طيب هي في الثلاجه طيب هي في الثلاجه هي سان ضمير تو كوم دابري افون مي تو دير مبتدا طيب في حرف جر ثلاجه اسم مجرور وفي الثلاجه خبر طيب سابعا qui c'est qu'elle est en dernier ils ont enfin là je sais qu'il ne dit pas mais juste pour ça ils ont par exemple pour être plus précis ils ont khabar de lieu non ils disent pas ça là tu comprends quand même ah je pense alors que j'avais non là il ne disait pas là Sabihan Andaman non j'ai pas moi par contre septième si là c'est là qu'on était la septième il croit lis celle-là هذا باب هذا باب وهذه نافذة نعم نافذة في دفن نتخ نعم طيب لا يزيد تمارين اكزرسيس نافذة. نافذة نعم ودليل على أن آخرهم نافذة نعم نافذة نوافذ طيب تمارين اكزرسيس يدي ما هذا وما هذه Donc vous mettez, pour toutes les choses exposées là, en phrase avec un ismi sharaf qui correspond. Alors là, c'est un kalem, tu vas dire, « Hada kalem »,« Wada kaza »,« Wadi kaza », pour chaque image. Vous mettez « Hada » avec le mot qui correspond derrière. Pour chaque image. Non. Pour chaque image, vous mettez l'ismi sharaf qui va devant. Toyeb. Fa'alif, il dit « Ikral misal wa kawwin jumalan ala ghirarihi ». C'est-à-dire, lisez l'exemple et faites des phrases qui lui sont semblables. Par exemple, il dit Muhammadun Talibun. En face, on a le Mouannas. Aminatu Talibatun. Donc, en fait, pas avec les autres phrases. Vous avez une phrase avec un Mubtada et un Khabar masculin. Vous faites en face avec un Mubtada Khabar féminin. Vous voyez Afil Bayt, Inch'Allah. طيب من يدي صحيح الجمل الآتية سي دي فراس كي كونتين دي زيرور ان نو لي كوريجي ا تروفي ليرور ان برومي يدي حقيبة من هذا الاولى عندك محمد نعم حقيبة من هذه الغرفة مفتوح مفتوحة نعم مفتوحة هذا مفتوحة هذا سيارة الطبيب مفتوحة نعم خبر مرفوع هذا سيارة الطبيب. هذه سيارة الطبيب. أحسنت. رابع هذه مفتاح السيارة. هذه مفتاح السيارة. هذا مفتاح. نعم مفتاح نعم مذكر. أين السيارة؟ هو في الشارع. أين السيارة؟ هي. نعم. على الشارع على سبارة. Et là, oui. Ouais, mais là, là c'est pas, il n'y a pas les trucs de féminin. Comment ça? Mais je suis arrière. Si je suis quelqu'un, bon, truc pas, je vais dire, bon, il n'y a pas ça, Marbouta, donc c'est pas féminin. C'est pas tout ce qui contient un tel, on a dit un tel dans les choses qui sont considérées comme adjectifs. Tu veux dire? Mm-hmm. Maintenant, tu as les choses qui sont féminines, qui n'ont pas de tel. Et les choses masculines qui ont un tel. Comment je peux savoir masculin. Comment je peux savoir que chaleur c'est féminin? En parlant. C'est en parlant. Mais chaleur, t'as dit que c'était masculin. Ouais. Oui. Je l'ai dit. Mais le dit à la base dans les mots à venir. Comment il sera différencié le féminin du masculin? Ouais, c'est en lisant. Comme dans l'autre langue. Oui. Tu vois, en écoutant les gens parler, en écoutant les livres, tu vas savoir que c'est un mot masculin. Donc aina sayarati. Aina. Ouais, tu chaleur. Et maintenant, l'erreur elle est où? Aina sayara. Houa fil sharia. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est quoi l'erreur? C'est hiya parce que. Hiya, ça vient sayara. N'am. Fou? Toi, tu penses que l'erreur c'est sur sharia? Là, sur sayara. Là où le féminin il est clair devant toi. N'am. Il dit ikra wa ktoub ma'adzabt awakhil kalimat. Donc maintenant, lisez les phrases qui arrivent en mettant les harakat correctes à la fin. Jumel oula, indak ya bil qadir. هذا لمحمد وذلك لحميد لحامد. نعم نديم لمن هذه لياسر. نعم ثالثا الحمد لله. نعم رابعا لله المشرق والمغرب. نعم مفهوم لي الفجر لي مفهوم. Donc maintenant on a 5. Wa alaykoum salam. 5 khurf jar. On a pris min, on a pris ala, on a pris fi, on a pris ila et lioum, on a pris li. Yep. Il y en a encore d'autres. La kalimat al-jadida, les nouveaux mots. Al-mikwatu, faire passer. Al-bakaratu, la vache. Al-udum, l'oreille. Al-um, la mer. Al-Nafida, la fenêtre. Al-Darraja, le vélo. Al-Fallah, le paysan ou agriculteur, comme on pourrait dire. Al-Yad, la main. Al-Fallaja, réfrigérateur. Jiddan, beaucoup. Ou à la fin. Ou très, ça dépend de la phrase. Al-Mil'aqa, la cuillère. Al-Anfu, le nez. Al-Rijl, je ne vais pas dire Rajoul, c'est Rijl, le tabino. Des fois, il n'y a pas la haraka, donc attention. Rijl. Non. Rijlou, là c'est la jambe ou le pied. Le kahwatu, c'est le café. Le kidrou, c'est la marmite, le chaudron, la casserole. Le fem, la bouche. Le shay, le thé. Sari, ça veut dire rapide. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on a pris un nouveau ism shara pour le féminin. Mufarad qarib, c'est hadihi. On a pris un nouveau harf jar, l'il milk, la possession c'est li. Voyez, li. Mafoum, dersalium. Ha? Fa illa huna. Walhamdulillah, rabbil alamin.